larmes aux yeux pour tous ceux qui ont l'âme aux cieux. Qu'on appellera plus jamais madame, qu'on nommera plus jamais monsieur. Pleurer n'a jamais fait revenir quiconque. Ne pas oublier un disparu, y'a que ça qui compte. Quand tous les souvenirs se mélangent, ton sourire, tes yeux, ta frange. Aujourd'hui c'est tellement étrange de savoir que tu fais partie des anges. Je me souviens de tes plats inimitables, y'avait toujours la bonne humeur lorsqu'on passait à table. Aujourd'hui la douleur m'accable, du matin au soir instable. Dans ma tête je pète un câble, tant d'instants mémorables. Comprends pourquoi mes morales, je veux rien faire d'immoral. Une profonde tristesse s'installe. Je me plonge dans les photos, j'ai l'impression que tu me fixes. Y'en aura plus jamais de nouvelles, et celle-là j'ai peur qu'elle jaunisse. La main sur mon épaule, tu me donnais toujours le premier rôle. Et quand pour moi c'était pas drôle, je trouvais réconfort dans tes paroles. J'ai du mal à réaliser que plus jamais je te parlerai. Que si je compose ton numéro, y'aura personne au bout du fil. Je l'ai pas effacé du répertoire, il s'affichera plus sur mon mobile. J'espère ne jamais oublier ce qui faisait ta personnalité, ta voix, ton odeur, ton humour. Mais surtout, ton cœur rempli d'amour. Je fais la route pour aller chez toi, mais je sais que l'appart est vide. C'est tellement dur que tu sois plus là, je ne peux cacher mes yeux humides. J'ai tellement de pudeur, vous savez. Chez moi, les émotions ont toujours été intériorisées. Peut-être par peur d'être la risée, mais c'est tellement stupide. Aujourd'hui, je suis seul au monde avec mes doutes et mes démons. La mort laisse un goût amer, loin de nos balades au bord de la mer. Il existe tellement de manières de quitter la surface de la terre. Jamais la faucheuse ne prévient, mais je sais que tu n'es pas loin. Et je ne regrette rien, car de toi, j'ai toujours pris soin. Car de toi j'ai toujours pris soin. Car de toi j'ai toujours pris soin. Car de moi tu as toujours pris soin.